Le mariage de Télémaque par Jules Lemaître. Télémaque venait d'atteindre sa 20e année. Ses parents songeaient à le marier, mais il n'était pas facile de lui trouver une femme dans la contrée, car toutes les jeunes princesses de Zante, de Zacynthe, de Dulichios étaient sœurs ou cousines des prétendants tués par le magnanime Ulysse, et l'on craignait qu'elles ne se fissent prier pour entrer dans sa famille. Ulysse, alors, se souvint de Nausicaa, et de sa grâce, et de son bon caractère. C'était aux parents de Nausicaa qu'il devait d'avoir revu sa patrie. « Même, dit-il, je me souviens que le roi Alcinos, me croyant célibataire, souhaita que je devinsse son gendre. J'ai été un peu mûr pour sa fille. Je suis néanmoins persuadé qu'elle m'eût accepté pour mari. À plus forte raison, mon cher fils, agréerait-elle en toi un autre moi-même, plus jeune, de poils plus nouveaux et plus plaisants à voir. Peut-être n'est-elle pas encore mariée. Si tu m'en crois, dès que les vents seront favorables, tu équiperas un navire et tu iras rendre visite au roi Alcinos dans l'île des Phéaciens. Volontiers, dit Télémaque. Or, le même jour, un messager de Ménélas, roi de Sparte, débarqua dans le port d'Ithaque, vint trouver Ulysse avec des présents et lui dit « Voici le message dont je suis chargé pour toi. Le roi Ménélas et sa femme Hélène ont gardé le meilleur souvenir de ton fils Télémaque. Ils doivent recevoir prochainement dans leur maison le roi et la reine de Phéacie, dont tu fus l'hôte, et leur fille Nausicaa. Si donc il plaisait à ton fils de retourner à Sparte, il y rencontrerait cet aimable enfant. » Le roi Ménélas ne m'en a pas dit davantage, mais si Télémaque accepte son invitation, il pourrait profiter du vaisseau qui m'a conduit ici. Tout cela est fort bien pensé, répondit Ulysse, et je reconnais la sagesse et la bienveillance de l'illustre roi Ménélas. Mon père, dit Télémaque, je partirai demain matin. Télémaque fut reçu très cordialement par le roi Ménélas et par la divine Hélène. Quand une servante l'eut lavé et parfumé, et quand il eut chassé la faim et la soif, où est, demanda-t-il, la princesse Nausicaa? Elle n'est pas encore ici, répondit Hélène, mais nous l'attendons dans quelques jours avec ses nobles parents. Télémaque, quoiqu'il fût bien élevé, ne put dissimuler sa déception et son chagrin. Hélène, qui était bonne, s'appliqua à le consoler et à le distraire. Elle le faisait asseoir auprès d'elle à table, et dans le jardin où l'on goûtait le frais, et sous le portique où l'on se réunissait pour voir des danses et toutes sortes d'exercices de force et d'adresse. Elle avait soin que pendant les repas, la aide d'Hémodocos ne chanta que les exploits d'Ulysse, et regardant Télémaque, elle lui souriait aux beaux endroits du poème. Elle exprimait souvent la plus vive admiration pour l'irréprochable Pénélope. Quelquefois, assise près du foyer, lorsqu'elle filait la laine pour pré, elle priait Télémaque de l'aider à dévider son fuseau. Et elle lui racontait avec agrément les épisodes les plus intéressants du siège de Troie, se taisant toutefois sur Paris. Hélène avait 35 ans. Sa beauté, un peu meurtrie, était plus émouvante. Ses regards paraissaient plus profonds que ceux des autres femmes, et sa voix plus pénétrante et d'inflexion plus souple. Elle était sérieuse à l'ordinaire, mais d'une grâce accomplie et sûre. Un soir, elle dit à Télémaque « Le navire qui amène les souverains de Phéacie et leur fille a été signalé en vue de Pylos. Un char les attend près du port. Ils seront ici demain. Déjà ?» dit Télémaque. Nausicaa avait toute la fleur de la première jeunesse. Mais cet avantage est souvent moins apprécié par les jeunes gens que par les hommes mûrs et expérimentés. Télémaque fit peu d'attention à la petite princesse. Il la remercia en bons termes de ce qu'elle avait fait pour Ulysse, mais il ne trouva rien de plus à lui dire. Il ne pensait qu'à Hélène. L'image d'Hélène agitait ses nuits. Après Thésée, après Ménélas, après Paris, après Hector, après tant d'autres héros, il subissait le charme dévorateur de la tranquille fille de Léda. La froideur de Télémaque pour Nausicaa fut enfin remarquée du roi Alcinos et de sa femme arrêtée. Ils jugèrent que le fils d'Ulysse tardait beaucoup à se déclarer. Ménélas attribuait ses lenteurs à la timidité des deux jeunes gens et disait « Patience, le temps amène tout. Le temps m'a ramené ma femme. » Mais Hélène avait deviné les sentiments secrets de Télémaque. Elle le prit à part et lui dit « Cher enfant, je ne te comprends pas. Nausicaa est fille d'un roi puissant et riche, et à qui ton père a beaucoup d'obligations. Elle est jeune, jolie, sensée, vertueuse. Elle tiendra fort bien sa maison. Ton père l'a pu voir, elle lave elle-même son linge, ce que les filles de roi ne veulent plus faire, tant le siècle est corrompu. Elle t'aime, enfin, et je sais que ne voulant pas se confier à sa mère par fierté, elle pleure souvent, à cause de toi, dans le sein de sa bonne nourrice Eurymédeuse. Pourquoi affliges-tu par ta froideur une si aimable fille? Et pourquoi refuses-tu le bonheur que les dieux t'ont préparé ?»« Je te le dirai, » dit Télémaque, « puisque tu désires le savoir. Celle que j'aime. »« Ne parle pas, cher enfant, » interrompit Hélène. « Je sais que tu es, comme tant d'autres, victime d'un mauvais charme, qui émane de moi malgré moi-même. Ma triste gloire t'a troublé l'esprit. Oui, je suis celle pour qui des milliers d'hommes se sont égorgés, et par qui tant de mères, de femmes et de fiancés ont versé des larmes à flots. Cela, sans doute, eut quelque chose de flatteur. Mais depuis longtemps, je n'ai plus d'orgueil. Je ne veux plus causer le malheur d'aucun homme. Je suis rassasié d'aventure. Mon seul désir est de demeurer paisible et régulière auprès de mon Ménélas, à qui je dois de longues compensations. On a vraiment assez parlé de moi. D'ailleurs, je suis maintenant une vieille femme. Ce n'est pas vrai. Que veux-tu donc, enfin, t'enlever? On m'a déjà enlevé plusieurs fois. Cette idée, cher enfant, ne te refroidit-elle pas? Au contraire. Malheureux, malheureux! Mais dis-moi, où me conduiras-tu? J'ai apporté ici 12 talents d'or, et je tiens de ma mère un riche domaine dans l'île de Zacynthe. Ainsi, tu n'aurais pas honte d'enlever la femme de ton hôte? Je ne le ferai point en haine de lui. Au reste, d'autres l'ont fait avant moi. Et j'obéis à un dieu plus fort que ma vertu. Mais si mon mari armait des vaisseaux pour m'aller reprendre? On ne recommence pas la guerre de Troie, et puis qu'importe? Il m'importe à moi, qui veux mourir tranquille. Bah, laisse en paix celle qui a déjà trop voyagé. Nausicaa, elle, est intacte. Elle me déplaît. Elle se consume de chagrin. Elle n'est qu'une sotte. Hélas, cher enfant, je reconnais que c'est bien le dur amour. Le dieu sinistre qui te possède, car tu deviens méchant. Va-t'en, va-t'en. Je suis lasse de faire éclore le crime dans le cœur des hommes. Hélène le quitta sur ces mots et s'en fut méditer dans les vastes jardins du roi Ménélas. Elle y rencontra, dans un bosquet écarté, Nausicaa tout en pleurs. La jeune fille se jeta dans ses bras. « Reine, gémit-elle, c'est par toi que je souffre, et c'est pour cela que j'ai recours à toi. » Car tu es bonne et pleine de sagesse. » Elle dit, en paroles entrecoupées, son amour pour Télémaque, et comme l'ingrat lui semblait charmant malgré sa froideur, et le rêve qu'elle avait fait d'une vie heureuse et belle là-bas avec lui, dans cette île clément de Phéacie, où déjà je me voyais, soupira-t-elle, épouse chérie et mère féconde, et tout entière à celui que j'aurais aimé le premier, uniquement et pour toute ma vie. À ces mots, les sourcils d'Hélène se joignirent et son front pur s'assombrit, mais ce ne fut qu'un moment. Toutes deux se promenèrent longtemps au jardin, et maintenant, c'était Hélène qui parlait. Le soir, Hélène fit en sorte de se trouver seule avec Télémaque dans un coin du portique. « Je t'ai menti, » lui dit-elle à voix basse. « Je t'aime. Enlève-moi. » « J'en étais sûr, » répondit simplement Télémaque, « et j'ai tout arrangé pour cela. » J'ai retenu à Pylos un navire tout équipé pour le départ. Je t'attendrai demain sur le port à l'heure du crépuscule. J'y serai, dit Hélène, avec une de mes servantes. La nuit tombait. Télémaque, debout sur le quai, vit approcher deux femmes voilées, dont l'une paraissait jeune et svelte et marchait à pas léger. Ah, se dit-il, quelle jeunesse d'allure! Hélène seule entre les mortels a cette démarche de déesse. Il vint à elle, elle mit un doigt sur sa bouche, par-dessus son voile. Il l'aida silencieusement à s'embarquer avec sa servante et la conduisit sur le pont où un lit somptueux était préparé. Le bateau s'éloigna de la rive. Télémaque essaya de lever le voile de la voyageuse. Elle le repoussa doucement en murmurant « Demain ». Il comprit cette pudeur et alla s'étendre auprès de la poupe où il dormit mal sous les étoiles indifférentes. Dès l'aurore, il retourna sur le pont pour épier le réveil d'Hélène. et reconnut Nausicaa et sa nourrice Eurymédeuse. La jeune fille, assise sur sa couche, le regardait avec un peu d'effroi, essayant de sourire et l'implorant de ses yeux humides. Télémaque fut pris d'une violente colère. « Ah ! » cria-t-il, « le tour est beau pour une ingénue. J'ignorais que dans ton pays, ce fut la coutume des honnêtes filles de courir après les hommes et de les prendre par ruse. Je ne t'aimais pas, Nausicaa. Mais à présent, quel sentiment puis-je avoir pour toi ? » Nausicaa fondit en larmes. « Ce n'est pas moi, » balbutia-t-elle. « C'est Hélène qui a voulu. C'est elle qui m'a assuré qu'il le fallait et que tout finirait bien. Et j'ai longtemps résisté avant de lui obéir. « Hélène, dis-tu ? Hélène, mais alors ?» La colère de Télémaque se tourna subitement contre Hélène. Mais comme la divine fille de Léda était loin et qu'il ne pouvait la battre, il s'en prit de nouveau à Nausicaa. « Cette aventure est stupide, car enfin que vais-je faire de toi ? Je ne sais pas. Si j'usais de toi comme d'une captive, puisqu'aussi bien tu t'es offerte, tu ne le feras point, car tu n'es pas vile. D'ailleurs, ma nourrice me défendrait. Et si je revenais à Pylos et te déposais sur le rivage, objet de risée pour les passants ?» Nausicaa porta la main sur son cœur, appela « Nourrice ! Nourrice !» et s'évanouit. Tandis que Eurymédeuse lui donnait ses soins, Télémaque examinait la jeune fille. Il s'avisa pour la première fois que, moins belle peut-être qu'Hélène, elle était plus fraîche et tout à fait charmante. Puis, tant de faiblesse, et à la fois tant de hardiesse candide, un si confiant et intrépide amour, tout cela, peu à peu, l'émut jusqu'au fond du cœur. Quand Nausicaa revint à elle et qu'elle vit les yeux de Télémaque, elle comprit qu'il ne lui voulait plus de mal. Elle se leva à demi et retomba sur la poitrine du fils d'Ulysse en disant « Sauve-moi, ami, et fais de moi ta femme, puisque tu n'as pas d'autre moyen de me sauver. » Et Télémaque, lié de ses bras frais et sentant contre lui ce jeune corps suppliant, se confessa vaincu. « Nous irons à Ithaque, et je te présenterai à mes nobles parents. Mais la divine Hélène s'est indignement jouée de moi. Je lui pardonne, » dit Nausicaa, riant à travers ses larmes. Ainsi s'achève le mariage de Télémaque par Jules Lemaître.